On fait lever les sangliers, et voilà six chiens partis sur cet animal furieux. Trois sangliers sont arrêtés sans pouvoir bouger. Deux chiens prenaient chacun par une oreille et se collaient le long de son corps. Ils le tenaient tellement serré entre eux que l'animal ne pouvait bouger. Et les gardes arrivaient avec un bâillon, lui mettant cette forte bride dans le museau, sans qu'il pût se défendre. Avec un nœud coulant, les quatre pattes étaient unies. On débâillait les deux chiens et ils repartaient sur la bande, suivis par les valets qui les conduisaient. Les prisonniers étaient portés dans la voiture. On ouvrait la porte par derrière. On ôtait leurs entraves et ils tombaient dans cette voiture profonde. Nous prîmes la bande de 14 ce jour-là, et la voiture était pleine. Nous eûmes deux chiens blessés par des coups de boutoir. Nous avions besoin de nous rafraîchir après ces cours. Nous avions besoin de nous rafraîchir après ces courses au milieu des bois fourrés. L'empereur fut enchanté d'une pareille chasse. Il avait fait préparer un enclos près de la route de Paris pour déposer ses animaux vivants. C'était une rotonde haute et solide. Par le moyen d'une porte coupée, on reculait la voiture, et ces furieux tombaient dans la rotonde. Voilà notre deuxième chasse qui fut continuée pendant 15 jours. Il y eut de prix 50 sangliers et 2 loups en vie. Dans cet enclos, on avait construit un amphithéâtre sur pilotis, avec des fauteuils autour, pour contenir toute la cour. On arrivait par une pente douce au milieu de l'enclos, sous une belle tente. Des factionnaires étaient placés pour empêcher d'approcher. La cour arrive à 2 heures. Il fallait monter sur les sapins pour voir tous ces furieux sauter après les palissades. L'empereur commença. Ils ne tiraient pas sur les loups. Ils restèrent les derniers et faisaient des sauts jusqu'au haut des palissades. L'empereur permit à tous les principaux de sa cour de finir cette fête, et tous les sangliers furent partagés à sa garde, et nous fûmes bien régalés. Il s'en réserva 3 des plus gros. Il donna ensuite l'ordre à ses gardes d'aller reconnaître la quantité de cerfs, les âges de chaque cerf, et de lui en faire le rapport. Au bout de 2 jours, la découverte était faite par numéro, les âges de chacun se connaissant au pied. La veille de cette grande chasse, il fit partir des gardes et des valets de chiens qui conduisaient 2 gros limiers en laisse pour reconnaître le cerf qui avait le numéro 1. Dans le parcours de la nuit, on découvre les traces de cet animal. Le garde s'empare du limier et fait reconnaître le pied du cerf à chasser pour demain. Cet animal, tenu en laisse, est conduit à pas compter par le garde. Et à quelque distance du gîte, retenu par le garde, il lève sa patte droite en l'air pour s'élancer sur sa proie. Tout cela se fait à bas bruit. On marque l'endroit du gîte, et le rapport se fait à l'empereur pour le rendez-vous de la cour. Les ordres sont donnés par les calèches et les chevaux de relais. 52 chiens forment 4 relais, à 13 par relais, sans compter le limier qui est le moteur du mouvement. Dans les 13 chiens, il y a un meneur des 12 autres. Sitôt que le limier a lancé le cerf, ce conducteur prend le pied du cerf et ne le quitte pas, et les 12 chiens marchent en bataille à ses côtés. L'empereur donne l'ordre à M. Belcourt de commander 24 hommes, sergents et caporaux, pour les placer sur les 3 points désignés pour les relais des calèches. Avant de commencer, toute la cour se mettait à table dans un endroit bien sablé, et après le banquet, les calèches arrivaient. Tout le monde était à cheval et le cerf lancé. L'empereur se portait au galop au milieu du passage, suivi de porte-mousquetons ayant des armes. Là, il attendait le passage du cerf, et s'il le manquait, il partait comme la foudre pour se trouver sur un autre point de passage. Le second relais parti, la chasse, dans peu de temps, s'est trouvée très loin de nous. Nous étions silencieux à notre place. Le major me dit « Il faut faire la manœuvre et déployer votre voix. Faites former le carré par division en marchant, par la plus prompte manœuvre. » Je commence « Former le carré !» sur la deuxième division en marchant. « Première division, par le flanc gauche et par fil à droite. » Troisième division, par le flanc droit et par fil à gauche. Quatrième division, par le flanc gauche, par fil à gauche, pas accéléré. Deuxième division, pas ordinaire. J'avais fait une faute que je ne pus réparer, et le major me dit « Vous vous pressez trop, vous y mettez trop de feu. Faites déployer votre carré, ne vous pressez pas. » Mais l'empereur m'avait entendu de l'endroit où il attendait son cerf. Il n'avait rien oublié de mes fautes. Le cerf fut tué par lui, et les corps de chasse cornèrent le ralliement. Toutes les calèches arrivèrent au rendez-vous. L'empereur, content, était là, pied à terre, ce beau cerf près de lui. Toute sa cour réunie, il nous fit appeler et dit à notre major : « Qui commandait la manœuvre dans la forêt ? Faites-le venir que je le voie. » Le major me fait sortir du rang et me présente. « C'est donc toi, dit l'empereur, qui fais retentir la forêt ? Tu commandes bien, mais tu t'es trompé. »« Oui, sire, j'ai oublié, pas accéléré. »« C'est cela, fais attention une autre fois. » Le major lui dit. Il s'en est donné un coup de poing dans la tête. « Fais-le instructeur des deux régiments, qu'il soit secondé par deux caporaux instruits. Tu prendras les 50 plus anciens vélites, et tu les feras manœuvrer 2 fois par jour. Tu les pousseras à la théorie, et dans 2 mois je les verrai. Tâche qu'ils soient forts et capables de faire des officiers. » Monsieur Bellecour arrive vers nous. Eh bien, il nous en a taillé de l'ouvrage. Nous voilà consignés pour 2 mois, mais nous n'avons pas besoin de nous donner au diable. Nous en viendrons bien à bout. « Êtes-vous content ?» me dit-il. « Je me rappellerai de la forêt de Fontainebleau. » Le soir, on fit la curée du cerf au flambeau, dans la cour d'honneur garnie de beaux balcons où toute la cour assistait. C'était un coup d'œil magnifique, cette meute de 200 chiens en bataille derrière une rangée de valets, qui les maintenait fouet à la main. Au signal donné pour découdre, l'homme découvrait le cerf de sa peau. Les corps annonçaient le pillage, et tous fondaient sur leur proie. Ces 200 affamés ne faisaient qu'un monceau, tous les uns sur les autres. Les chasses furent terminées au bout de 15 jours. La cour rentra à Paris et nous à Courbevoie. La caserne contenait 3 bataillons. Chaque mois, un bataillon faisait à son tour le service à Paris. Service pénible, 8 heures de faction, 2 heures de patrouille et des rondes major de nuit. L'adjudant-major fit son rapport au général d'Orsène que l'empereur m'avait nommé instructeur des 2 régiments de grenadiers, et je fus mis en fonction de suite. Mais ce ne fut pas tout. Le matin, les consignés, balais à la main, nettoyaient les ruisseaux, les lavaient, et le plus pénible pour eux était de laver les lieux. Comme j'avais une carrière à sable près de la grille, si j'avais beaucoup d'hommes punis, je les menais tirer du sable, et ils étaient plus contents que de faire l'exercice. Je partais avec mes 20 ou 30 hommes prendre les outils, et je les mettais à l'ouvrage. Les uns tiraient le sable, les autres menaient la brouette, les autres le tombereau, et tout le sable rentrait dans la cour. Tout cela se faisait sans murmurer. De même, si je leur donnais la tâche d'arracher de l'herbe, on grognait un peu, mais ça se faisait. Je variais leur punition le plus que je pouvais. Je voyais ces vieux soldats assez dociles pour des hommes qui sortaient du régiment avec le grade de sergent, et même sergent-major, pour devenir simple grenadier. J'avais du mal à rompre quelques mauvaises têtes, mais il fallait plier. J'avais le don de leur en imposer. Tout se passait devant les officiers de semaine, et j'étais bien secondé par les 2 adjudants-majors, qui tenaient ferme pour la discipline. C'était devant le pavillon des officiers qui voyaient ces mouvements. Ils avaient dans la caserne leur pension, d'où ils passaient dans leur jardin. Ils me firent appeler pour me montrer le plan d'un grand parterre qu'ils voulaient faire faire par les consignés. « Nous leur donnerons, me dirent ces messieurs, une bouteille de vin par homme, si vous voulez les diriger. »« Je veux bien. »« Très bien. » Nous allons vous tirer une ligne sur la terrasse et vous marquer la place des trous pour planter des acacias, qui formeront 2 quinconces sur le devant de la caserne et 1 de chaque côté de la grille. Allez faire l'appel de vos consignés et prévenez-les pour demain. Après l'appel, je leur dis, vous ne ferez plus d'exercice, nous allons planter des arbres pour nous mettre à l'ombre. Bravo, mon sergent, cela nous amusera. Vous ne serez pas gênés, je vous ferai faire un trou par 4 hommes et vous avez 2 heures. Nous sommes contents. Allez vous reposer. À 6 heures, le rappel des consignés. Une partie prendra le balai et les autres feront des trous. Les chefs firent venir une grosse tonne de vin de Suresnes qui ne leur coûtait pas 10 centimes la bouteille, et ils en donnèrent 1 bouteille par homme. Tous marchaient de front. Les trous et les massifs et ces belles plantations de 8 700 arbres et arbrisseaux furent faites par les consignés. Je fus complimenté par mes chefs, et on jeta les yeux sur moi pour tenir la pension des sous-officiers. C'était une affaire sérieuse de faire préparer et bien servir le repas de 54 sous-officiers. J'étais payé d'avance, ce qui me faisait, par jour, la somme de 45 francs 70 centimes. Les surcroîts de bénéfices étaient par jour, primo le pain, 8 francs 10 centimes, le vin, 8 francs 10 centimes, les plats fournis hors du réfectoire, 3 francs, le bois, 1 franc. Le dimanche, tous partaient pour Paris, ce qui faisait 21 francs 20 centimes, ajouté aux 45 francs 70 centimes, 66 francs 90 centimes que j'avais par jour à dépenser. Je pouvais faire face à tout et les contenter. Au bout du mois, je fis voir ma dépense au sergent-major. « Mais, me dit-il, vous êtes en arrière. »« Pas du tout, j'ai un bénéfice de 21 francs 20 centimes par jour qui avec mes 45 francs 70 centimes fait 66 francs 90 centimes. Mais vous, moi, j'ai 64 francs 50 centimes par mois. Cela me suffit, avec 3 jours de bénéfices, je paie mon chef et mes 2 aides. Ainsi, soyez tranquille, la pension marchera. Les sergents dirent à dîner, il faut pousser à la consommation pour faire marcher notre ordinaire. Allons, chacun notre bouteille. Les bénéfices vous rentreront. Soyez exact à vous mettre à table par 4, vous serez servi à l'heure, et je présiderai à tous vos repas. Le conseil d'administration mit à ma disposition un char à banc et un soldat du train pour aller chercher les provisions à Paris, avec 4 hommes de corvée, et un caporal par compagnie. À 2 heures du matin, je conduisais ce détachement à Paris avec la note de mon chef de cuisine. Et cette emplette était considérable pour la semaine. Je payais 5 francs pour le déjeuner de mes 4 hommes, et ils étaient contents. À 9 heures et à 4 heures, j'étais de retour pour présider au repas. Le dimanche, inspection du réfectoire par le colonel ou le général. Le couvert était mis avec des serviettes bien blanches. Je recevais des compliments de nos chefs, même si c'était le général d'Orsen devant lequel toute la caserne tremblait. J'ai déjà dit que lorsque cet homme sévère passait dans les chambres, il passait son doigt sur la planche à pain. S'il rencontrait de la poussière, le caporal ou le chef de chambrée était puni pour 4 jours. Il passait encore son doigt sous nos lits, dans nos malles, il ne fallait pas qu'il trouvât du linge sale. Modèle pour la tenue, il aurait pu effacer Murat. Je n'étais jamais surpris. Tout roulait sur moi. L'exercice des consignés, 50 vélites à faire manœuvrer, et mon réfectoire à conduire. Toutes mes heures étaient prises. À force de m'appliquer, je justifiais la bonne opinion de mon capitaine. Je puis dire que je lui dois le morceau de pain que j'ai gagné au champ d'honneur. Voilà la fin de 1810. En 1811, des réjouissances nous attendaient. Le 20 mars, un courrier arrive à notre caserne, annoncer la délivrance de notre impératrice et dit que le canon allait se faire entendre. Tout le monde était dans l'attente. Au premier coup parti des Invalides, on comptait en silence. Au 22e et au 23e, tous se sautèrent de joie. Ce n'était qu'un cri de « Vive l'empereur !» Le roi de Rome fut baptisé le 9 juin. On nous donna des fêtes et des feux d'artifice. Cet enfant chéri était toujours accompagné du gouverneur du palais, lorsqu'il sortait pour se promener avec sa belle nourrice et une dame qui le portait. Me trouvant un jour dans le château de Saint-Cloud, le maréchal Duroc, qui m'accompagnait, me fait signe de m'approcher. Et ce cher enfant tendait ses petites mains pour prendre mon plumet. Je me penche et le voilà qui déchire mes plumes. Le maréchal me dit « Laissez-le faire ». L'enfant éclatait de joie, mais le plumet fut sacrifié. Je demeurai un peu sot. Le général me dit « Donnez-le lui, je vous le ferai remplacer ». La dame d'honneur et la nourrice se firent une pinte de bon sang. Le maréchal dit à la dame « Donnez le prince à ce sergent, qu'il le porte sur ses bras. Dieu, j'allonge les bras pour recevoir le précieux fardeau. Tout le monde vient autour de moi. « Eh bien, me dit M. Duroc, est-il lourd ?»« Oui, mon général. Allons, marchez avec. Vous êtes assez fort pour le porter. » Je fis un petit tour sur la terrasse. L'enfant arrachait mes plumes et ne faisait pas attention à moi. Ses draperies tombaient très bas, et j'avais peur de tomber, mais j'étais heureux de porter un tel enfant. Je le remis à la dame, qui me remercia, et le maréchal me dit « Vous viendrez chez moi dans 1 heure. » Je parais donc devant le maréchal, qui me donne un bon pour choisir un beau plumet chez le fabricant. « Vous n'avez que celui-là » dit-il. « Oui, général. Je vais vous faire un bon pour 2. »« Je vous remercie, général. Allez, mon brave, vous en aurez un pour les dimanches. » Arrivé près de mes chefs, ils me disent « Mais vous n'avez plus de plumet ? C'est le roi de Rome qui me l'a pris. » « C'est plaisant ce que vous dites là. Voyez ce bon du maréchal Duroc. Au lieu d'un plumet, je vais en avoir 2. » Et j'ai porté le roi de Rome sur mes bras près d'un quart d'heure. Il a déchiré mon plumet. Mortel heureux, me dirent-ils, de pareils souvenirs ne s'oublient jamais. Mais je n'ai jamais revu l'enfant, c'est la faute de la politique qui l'a moissonné avant le temps. Tous les princes de la Confédération du Rhin étaient à Paris, et le prince Charles fut le parrain du petit Napoléon. L'empereur leur fit voir une revue de sa façon sur la place du Carrousel. Les régiments d'infanterie arrivaient par la rue de Rivoli, et venait se mettre en bataille sur cette place qui longe l'hôtel Cambacérès. L'infanterie de la garde était sur 2 lignes devant le château des Tuileries. L'empereur descend à midi, monte à cheval et passe la garde en revue, et revient se placer en face du cadran. Il fait appeler notre adjudant-major et lui dit « As-tu un sous-officier qui soit assez fort pour répéter mon commandement ?» Mouton ne peut répéter « Oui, sire, faites-le venir et qu'il répète mot pour mot après moi. Voilà M. Belcourt qui me fait venir. » Le général, le colonel, les chefs de bataillon me disaient « Ne vous trompez pas, ne faites pas attention que c'est l'empereur qui commande, surtout de l'aplomb. » M. Belcourt me présente « Voilà, sire, le sergent qui commande le mieux. Mets-toi à ma gauche et tu répéteras mon commandement. » La tâche n'était pas difficile. Je m'en acquittais, on ne peut mieux. À tous les commandements de l'empereur, je me retournais pour répéter. Et sitôt fini, je me retournais face à l'empereur pour recevoir son commandement. Tous les regards des étrangers se portèrent du balcon sur moi. Ils voyaient un sous-officier avec son fusil recevoir le commandement et faire demi-tour de suite pour le répéter, de manière que son corps était toujours en mouvement. Tous les chefs de corps répétaient mot pour mot, et après avoir fait passer leurs hommes sous l'arc de triomphe, les mettaient en bataille devant l'empereur. Il passait au galop devant le régiment et revenait à sa place pour le faire manœuvrer et le faire défiler. Cette manœuvre d'infanterie dura 2 heures. La garde ferma la marche. Puis je fus renvoyé par l'empereur et remplacé par un général de cavalerie. Il était temps, j'étais en âge. Je fus félicité de ma forte voix par mes chefs. Le sergent-major, me prenant par le bras, me mena au café dans le jardin pour me faire rafraîchir. « Comme je suis content de vous, mon cher Coignet !» Le capitaine tapait des mains, disant « C'est moi qui l'ai forcé d'être caporal, c'est mon ouvrage, comme il commande bien. »« Je vous remercie, lui dis-je, mais on est bien petit près de son souverain. » Je l'écoutais, je ne levais pas les yeux sur lui, il m'aurait intimidé, je ne voyais que son cheval. Après avoir bu notre bouteille de vin, nous arrivâmes devant la compagnie. Mon capitaine, me prenant la main, dit « Je suis content. » Je fus comblé d'éloges. Arrivé à Courbevoie, la table de mes camarades était servie. Mon chef de cuisine n'avait rien négligé, et la distribution du vin était faite. 1 litre et 25 sous par homme. Les sous-officiers, 1 jour de paix, 43 sous. Les caporaux, 33 sous. La gaieté était sur toutes les figures. Le lendemain, je repris mes pénibles travaux. Je poussais mes 50 vélites et mes consignés. Je prenais mes leçons d'écriture le soir, sans compter la surveillance du réfectoire et la propreté de la caserne, et jamais en défaut. Je me disais, je tiens mon bâton de maréchal, je serai le vétéran de la caserne sur mes vieux jours. Je me trompais du tout au tout. Je n'étais pas à la moitié de ma carrière, je n'avais encore qu'un lit de rose, et il m'était réservé d'en défricher les épines. Il arrivait des grenadiers pour mettre les régiments au grand complet et pour réformer les vieux, qui ne pouvaient plus faire campagne. On formait 2 compagnies de vétérans de la garde qui se trouvaient heureux de faire un service si doux. Tous les jours, il arrivait des hommes superbes. Je leur faisais faire l'exercice et les adjudants-majors la théorie. Ils poussèrent les vélites si rapidement que l'empereur les reçut au bout de 2 mois. C'était ravissant de les voir manœuvrer. Ils ne firent pas une faute et furent tous reçus sous-lieutenant dans la ligne. Ils partirent pour rejoindre leur régiment. L'empereur me demanda « Savent-ils commander ?» « Oui, sire, tous. Fais sortir le premier et qu'il commande le maniement des armes. » Il fut ravi. « Fais sortir, dit-il, le dernier, qu'il fasse faire la charge en 12 temps. »« C'est bien. Fais sortir le numéro 10 du premier rang, qu'il commande le feu de 2 rangs. »« Fais porter les armes. C'est suffisant. » J'étais content d'être sorti d'une pareille épreuve. Il dit au adjudant-major « Il faut pousser les nouveaux arrivés et faire des cartouches pour la grande manœuvre. Je vous enverrai 3 tonnes de poudre. » Et il partit pour Saint-Cloud. Pendant 15 jours, 100 hommes faisaient des cartouches, et les adjudants-majors présidaient. Il fallait des chaussures sans clous pour éviter tout danger. Toutes les 2 heures, ils étaient relevés et les pieds visités. Nous fîmes 100 000 paquets. Aussitôt la récolte finie, grande manœuvre dans la plaine Saint-Denis et revue aux Tuileries, avec parc d'artillerie considérable, fourgons et ambulances. L'empereur faisait ouvrir et montait sur la roue pour s'assurer si tout était complet. Quelquefois, M. Larrey recevait son galop. Les officiers du génie tremblaient aussi devant lui. De grands préparatifs de guerre se faisaient apercevoir de jour en jour. Nous ne savions pas de quel côté elles pouvaient être déclarées. Mais dans les derniers jours d'avril 1812, nous reçûmes l'ordre de nous tenir prêts à partir et de passer des inspections de linge et chaussures, 3 paires de souliers, 3 chemises et grand uniforme dans le sac. La veille de la revue de départ, je fus appelé devant le conseil et fus nommé facteur des 2 régiments de grenadiers, chargé de la conduite du trésor et des équipages. Il formait 4 fourgons, 2 pour les mâles des officiers et 2 qui furent chargés au trésor, place Vendôme. Je n'eus qu'à montrer une lettre dont j'étais porteur. Mes deux fourgons furent rechargés de suite de barriques de 28 000 francs. La garde fut consignée la veille du départ, et il ne fut permis qu'à moi de sortir pour régler mes comptes avec le boucher et le boulanger. Je rentrai à 2 heures du matin. La garde était partie à minuit pour Meaux, le 1er mai 1812. Un vieux sergent qui restait à Courbevoie, garde-magasin, reçut mes comptes et me remit une feuille de route qui m'autorisait à faire donner des rations pour 8 hommes et 16 chevaux. À midi, je partais de la place Vendôme avec mes 4 fourgons, monté sur le premier qui avait un joli cabriolet sur le devant. Je me carrais, le sabre au côté, comme un homme d'importance. J'arrivais à Meaux à minuit et me portais de suite au corps de garde pour savoir l'adresse de l'adjudant-major. Je suis conduit à son logement. « Qui est là ? » dit-il. « C'est moi, major. »« Vous coignez ? » ?»« Ça n'est pas possible. Vos fourgons sont-ils sur la place, tous chargés ?»« Oui, capitaine. » »« Vous avez volé, mon brave. Je vous verrai demain avant de partir. Voilà des bons pour vos rations de fourrage et de pain. Prenez 4 hommes au corps de garde et 4 soldats des fourgons. Ils feront lever le garde-magasin. » Vos billets de logement sont sur ma cheminée. Prenez-les. Bonne nuit. Mon capitaine, dormez tranquille. Je resterai au corps de garde cette nuit. Il sera 3 heures lorsque les chevaux et les hommes seront servis. Les soldats du train coucheront près de leurs chevaux, et je serai prêt à 7 heures pour partir. Monsieur Belcourt vint me trouver au poste pour s'assurer si des rations d'hommes et de chevaux avaient été fournies. Il fut content de mon activité. Vous êtes sauvé pour toute la route. Vous pouvez nous suivre. Si vous voulez me donner ma feuille de route, je partirai tous les jours 2 heures avant vous, et je pourrai aller à la poste prendre les lettres dans les grandes villes, bureau restant. Je serai là à vous attendre pour vous remettre vos lettres. Il va trouver le colonel, et je fus approuvé dans ma demande. Tous les jours j'étais arrivé avant le corps, mes hommes et mes chevaux ne souffraient pas de la chaleur. Arrivé au séjour, je faisais réparer les avaries survenues. L'empereur était parti pour Dresde, en compagnie de l'impératrice. Dans cette belle ville est la plus belle famille royale d'Europe. Le père et les fils n'ont pas moins de 5 pieds 10 pouces. L'empereur y resta 10 jours pour s'entendre avec les rois, et après avoir donné et reçu de l'eau bénite de cour, il se sépara de son épouse. Les adieux furent tristes. Les beaux équipages partirent pour Paris, et l'empereur resta avec ses autres pensées à la tête de ses grandes armées. Nous arrivâmes le 3 juin à Posen, et le 12 à Königsberg, où il établit son quartier général. Là, nous avons un peu de repos, parce qu'il était allé à Danzig, où il resta 4 jours. Cela rétablit la vieille garde qui avait fait des marches forcées. Nous reçûmes ordre de départ pour Ansterburg, et nous arrivâmes le 21 juin à Wilskowski. Nous en partîmes dans la nuit du 22 au 23 juin, et on établit le quartier général dans un hameau à 1 lieue et demie de Kovno. Le lendemain, à 9 heures du soir, construction de 3 ponts sur le Niemen. Les travaux furent terminés le 25 à minuit, et l'armée commença à pénétrer sur le territoire russe. C'était fabuleux de voir ces masses se mouvoir dans des plaines souvent arides. On était souvent sans gîte, sans pain. On arrivait dans la plus profonde obscurité, sans savoir où tourner ses pas pour trouver son nécessaire. Mais la providence et le courage n'abandonnent jamais le bon soldat.